Le porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée a publié le 22 courant une déclaration du fait que les bellicistes américains et sud-coréens ont commencé à partir du 22 août les exercices militaires Ultifreedom Guardian d'envergure sans précédent dans l'histoire. En voici le résumé. Les troupes d'opération terrestre, maritime et aérienne de l'armée d'agression américaine destinées aux exercices militaires sont déjà déployées en Corée du Sud et à ses environs, alors que d'énormes ressources humaines et matérielles des établissements d'administration centraux et locaux de Corée du Sud et des entreprises des industries militaires et civiles sont entrées en état de guerre totale. Prévus jusqu'au début de septembre, ces exercices militaires visent la maîtrise de la capacité des premières frappes nucléaires subites contre le Nord par les forces armées alliées au cas échéant dans la péninsule coréenne et la réalisation du plan d'agression par étapes pour occuper notre République, tel que la création du prétexte de guerre, la dissuasion, l'opération pour le rôle principal, l'opération de suprématie dans les champs de bataille, l'occupation de Pyongyang, le support à l'administration gouvernementale, etc. Les bellicistes prétendent que les présentes manœuvres militaires sont annuelles et ouvertes et qu'elles sont traditionnelles, assurant la transparence afin de camoufler leur nature agressive et aventureuse. Mais tout le monde sait déjà que c'est l'expression directe du dessein pour occuper manu militari notre pays, supprimer le régime socialiste vital pour nous et imposer le sort d'esclaves coloniales à nos militaires et civils. À l'heure actuelle, les unités combinées de première frappe de l'armée populaire de Corée maintiennent en permanence l'état de combat à mort pour exercer les frappes de représailles préventives contre toutes les troupes offensives ennemies mobilisées au Ultifreedom Guardian. Que les fanats de la guerre nucléaire sachent correctement qu'au moindre signe d'agression contre notre terre, mer et ciel sacré où s'exerce notre souveraineté, les bastions de provocation seront réduits en cendres par nos premières frappes nucléaires sans merci à notre manière. À l'avenir aussi, nos forces armées révolutionnaires seront toujours prêtes à mettre un terme aux menées de provocation de la guerre nucléaire des bellicistes américains et sud-coréens. Le monde verra correctement comment les États-Unis et la Corée du Sud paieront leurs menées de la guerre d'agression téméraire.